bulle sur les jaunes se lever. Alors seulement tu pourras dire, alors seulement tu auras vu, tu auras vu le pays dont je te parle. Le pays qui brille comme une étoile, de ces trois couleurs défilant à l'essor, de ces trois couleurs imprimées dans nos cœurs, de ce peuple sommeillant mais vaillant, de ce peuple vainqueur et battant. Alors comme moi tu voudras gueuler, tu voudras gueuler, vive la France. Tu vas aller.